dit-on, poussant son vélo, marche vers moi, et un poids lourd arrive en face, mais assez loin. Je suis suivi et je vais devoir faire un écart pour croiser ce piéton. J'actionne donc le clignotant gauche pour avertir ce conducteur de mon écart, mais je n'ai aucune raison de freiner. Réponse A et D.